Jésus me libère et je suis en paix. Jésus m'a délivré et je suis en paix. Jésus, yeah. Il a purifié mon âme. Yes. Il a garanti ma vie. Il a purifié mon âme. Yes. Il a garanti ma vie. Jésus me libère et je peux danser, danser pour lui. Jésus me libère, je peux crier, crier Jésus. Oh. Il a purifié mon âme. Oui. Il a purifié mon âme.